7h. Une fois par mois, de 17h à 17h30, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Fadjet 94.2, bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Alors une fois par mois nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Ma partenaire de jeu habituelle depuis un an et demi, c'est Anna. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Ça va ? Oui, très bien, merci. Alors, au sommaire du jour ce mois-ci, en ce mois de juin, on va faire un petit coup d'œil donc sur le disco qui va faire son grand retour. C'est que tout simplement, c'est un peu la musique de l'été. Ça nous inspire, ça nous donne envie de danser. On va aussi faire un petit tour du côté de la mode en proposant le retour des chaussures Riviera, mais on vous en dira plus tout à l'heure. Et aussi, bien sûr, la chronique déco qui, elle, concernera le tabouret Tam Tam. C'est pareil, on ne vous en dira pas plus, ce sera au cours de l'émission. Et bien sûr, encore les sorties. Et tout ça, eh bien, c'est dans notre belle émission qui est Un coup d'œil dans le rétro. Ça va ? Oui. Tu vas bien ? Allez, on oui, commence tout de suite avec la première chronique. Et donc, on a l'habitude, eh bien, chaque mois, évidemment, de balayer les genres musicaux. Et là, c'est plus le disco, c'est ça ? Oui, parce que le disco, effectivement, on n'en a jamais trop parlé dans l'émission Un coup d'œil dans le rétro. Donc, on avait aujourd'hui envie de revenir un peu sur ce genre musical, qui est à la fois aussi une danse, qui a émergé aux États-Unis, donc au début des années 70, et qui se compose, en fait, de plusieurs styles, de plusieurs sons, j'ai envie de dire, notamment de funk, de soul, de pop et de salsa. Alors il faut savoir que son public initial était issu des communautés afro-américaines mais aussi latino et italo-américaines de New York, notamment de Philadelphie, donc à la fin des années 60 et au début des années 70. Le disco en fait a émergé un peu en tant que réponse à la domination de la scène rock de l'époque. C'est pour contrecarrer la scène rock. Ouais, un peu. Ouais. Et puis on peut dire aussi que les contretemps de la disco sont soulignés par le Charleston. Et oui, et très souvent aussi avec d'autres effets comme des claquements de mains ou divers instruments comme le synthétiseur en fait, parce qu'on peut pas dissocier, c'est vrai, de la disco. Ouais. La disco aussi, puis des tenues vestimentaires, bien évidemment. Ouais, voilà, j'allais venir, des tenues vestimentaires assez flashy, avec des paillettes, des couleurs vives, des padef, et parfois aussi quand même un petit look un petit peu androgyne, on peut dire quand même. Androgyne, donc on ne sait pas trop si on est femme ou homme. Oui, c'est vrai, remarque. En même temps, on est tellement moulé. Si tu te souviens, des fois sur les pochettes de disco, c'est vrai que les hommes, on ne sait pas trop, ils sont quand même assez féminins. Quoi. Bon, les tenues là, on ne peut pas les mettre dans la rue, hein, c'est impossible. C'est pas faux. C'est une espèce de tenue intégrale là, moulé, un peu en tissu. Et donc, on accorde aussi donc, à un groupe hein, hispano-américain Barabbas la paternité du genre. Mais avec quel titre ? Alors, c'est avec le titre Woman qui était sorti en 1972. Il faut savoir qu'aux États-Unis et partout dans le monde, donc, le style disco a envahi littéralement les ondes de radio. On a appelé en fait cette période jusqu'en 79 la folie disco. Il y a eu de grands noms qui se sont révélés, comme les Bee Gees, qui ont signé notamment en 77 une bonne partie de la BO du film Saturday Night Fever. C'est ça qui, de toute façon, qui résonne dans notre tête lorsqu'on parle disco. Ouais, donc ce film en fait a fait littéralement exploser le disco dans le monde entier. On a aussi par contre les Village People qui ont été créés par un producteur français qui s'appelait Jacques Moratti. On a encore Donna Summer, Bodem, enfin voilà, il y en a plein d'autres quand même. Donc, alors, il y a quand même des thèmes de prédilection au disco. Oui. Alors les thèmes de prédilection effectivement de la disco sont souvent la sexualité, la fête et surtout l'affirmation des différences, tant les différences raciales que sexuelles. La disco en fait était un peu la musique de la libération des minorités sexuelles à l'époque, effectivement. Et donc la France quand même a tenu un rôle déterminant dans l'essor du disco avec des artistes qui sont encore présents aujourd'hui comme Patrick Juvet, Céron, Théo Vanès, Santa Esmeralda ou encore le franco-belge Patrick Hernandez qui a fait un titre, un succès avec Born to be alive. Mais il y a une, ça s'est terminé quand même le disco, il y a un moment de creux. Oui, alors effectivement en 79, en fait le marché arrive un petit peu à saturation et c'est également aussi à ce moment-là l'apogée en fait des campagnes anti-disco. Il faut savoir que le 12 juillet 79, dans le parc de Comiskey, donc je crois que c'était à Chicago, en fait il y a 60 000 personnes qui se sont réunies et qui ont brûlé des disques en fait de disco en fait. Ils voulaient plus, ils voulaient plus ça. Quoi. Voilà, les gens en avaient marre. Voilà, ils ont brûlé énormément de disques, ça a explosé en fait, et c'était un peu comme, oui voilà, la fin du disco. Il y a eu une émeute qui a duré quelques jours, et suite à cette émeute en fait, comme revanche, voilà, en fait c'était comme un peu comme une revanche en fait contre les gays, les noirs et les femmes, dont le rôle était essentiel à l'époque dans le disco. Bon, on peut dire quand même que le disco n'est jamais vraiment mort. Non, parce qu'effectivement, aujourd'hui encore, en 2015, il y a des sonorités disco qui sont assez présentes dans certains de nos artistes connus, notamment dans l'album et le clip « À bouche, que veux-tu » du groupe Brigitte, ou encore les Daft Punk, qui notamment pour leur dernier album, s'étaient entourés de Neil Rogers, qui était le fondateur du groupe Chic, je ne sais pas si ça vous parle. Chic, aussi, oui. Voilà, et puis ils se sont aussi entourés du producteur, notamment de Donna Summer, qui était la reine du disco de l'époque. Donc, on a encore des sonorités de disco dans nos artistes d'aujourd'hui, effectivement. Et donc, il y a aussi le mois de juin, c'est ça qui a vu aussi le disco revivre avec le Disco Funk Festival Legend qui réunit sur scène Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire et Imagination. C'est une tournée qui commence début juin lors d'un concert au stade, le stade Océane du Havre, devant plus de 15 000 personnes. Donc, c'est dire encore le succès du disco et qui dure pendant tout le mois de juin et qui passera par différents zéniths et notamment aussi Marseille, Toulouse, Paris, Nantes. J'en passe, c'est des meilleurs. Ça me plairait bien d'y aller, je crois. Hein. Non, mais ça doit être vachement bien. Je crois même qu'il y a une comédie musicale aussi disco qui s'est faite. Oui, aussi. Et oui. Qui a eu aussi pas mal de succès. En gros, une fois que ça passe le mouvement, c'est-à-dire de la mode, et qu'il y a une petite mort, et dès que ça revit, c'est éternel quasiment les styles musicaux comme ça, j'ai l'impression. Parce qu'après, là, aujourd'hui, on ne peut plus se passer du disco. Ça va pas. On entendra toujours On entendra toujours lors de soirées, lors de. Voilà, ça donne envie de bouger, nous gambette un peu sur le dance floor. Sur le dance floor. Allez, on va s'écouter un petit titre. On va commencer avec les Bee Gees. On en parlait tout à l'heure. C'est simple. Night Fever. Vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro. Il est 17h07. Nous sommes le vendredi 19 juin. Profitez de ce moment-là. On a envie de danser. Nous, on va danser dans le studio. Allez, à tout de suite. un titre des Bee Gees, Night Fever, donc un titre de 1977 que nous venons d'écouter dans un coup d'œil dans le rétro Fadjet 94.2. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94.2 en modulation de fréquence. Coup d'œil dans le rétro, toujours à l'antenne. Maintenant, nous allons donc retrouver François avec la partie mode, un petit peu de l'émission, et notamment donc le retour des chaussures Riviera. Alors oui, tu as parlé des Riviera, parce que j'ai vu cette semaine, hein, notamment que les Riviera, c'est une paire de chaussures. Hein. C'est pour ceux qui ne le savent pas, ça n'est pas la French Riviera, ça n'est pas la Côte d'Azur, mais peut-être qu'elles viennent de leur nom vient de là-bas. Mais je vais le préciser. Les Riviera, donc c'est une version chic et branchée, on va dire des espadrilles, hein, la bonne vieille espadrille, même si elle est encore tout à fait d'actualité. Moi-même, j'en achète et j'en ai acheté dernièrement. Donc l'intérêt dans l'espadrille, c'est de la trouver la moins chère possible. Les Riviera, elles se sont imposées comme les chaussures de l'été, un classique des années 50 porté sur la Costa Blanca espagnole, qui fait son retour avec simplicité et élégance. Relancées en 2009 par deux Parisiens, les vénérables souliers aérés de nos grands-pères sont désormais à la mode. Alors on s'en servait pour jouer à la pétanque. Hein. Mais aujourd'hui, on peut les mettre partout et même au féminin. Les Riviera, ce sont des chaussures hybrides entre les tennis en toile, les mocassins et les espadrilles. Donc, imaginez-vous, il faut donc prendre des tennis sans lacets, en toile ou en résille, et avec une fine semelle en corde montée sur une autre semelle en gomme. En cuir, en toile de denim, en toile de coton alvéolé, façon résille, en couleur naturelle ou flashy, pour les hommes comme pour les femmes, il existe des Riviera pour tous les goûts. Comment les porter, me direz-vous? Si les Riviera restent des chaussures d'été, elles ont su quitter les stations balnéaires pour investir la ville. Sur le site internet de la marque, une charte stylistique affirme que Riviera is not just pétanque et anisette. Oui, voilà, c'est plus la chaussure en fait du petit pépé mémé hein, de Marseille. Même si on a tout à fait le droit de partager une partie de pétanque, mais c'est très bobo la pétanque aussi, hein, c'est revenu aujourd'hui, on est plus beauf avec un débardeur et un gros bide, c'est pas une obligation, même si ça peut avoir son charme, hein. Et d'ailleurs aussi hein, c'est dans une autre émission, on a parlé des fat boys qui revenaient au goût du jour, en gros, c'est les hommes un petit peu plus ou moins avec de l'embonpoint au niveau du ventre, mais c'est un autre sujet. Si on considère que les Riviera, moi je les trouve très à la mode, elles s'avèrent être les partenaires idéales des looks branchés, plutôt décontractés mais chics. En soirée, les hommes peuvent les associer à un jean slim de couleur mixée ou à un t-shirt ou à une chemise manche longue tout simplement. Et les filles aussi ont droit, bien sûr, elles, de tenter les Riviera avec une mini-robe ou un micro-short en denim associé à une jolie blouse. Quand il fait chaud, vous pouvez opter pour les modèles de Riviera en tissu alvéolé qui laissent passer l'air entre les doigts de pied. L'important est d'être bien dans ses pompes. Donc effectivement, il vous faut tout simplement... Alors, où peut-on trouver par contre ces types de chaussures, la sortie? Dans toutes les grandes enseignes, je pense. Ouais, non, les Riviera, c'est vrai que maintenant, il y en a partout. Comme on l'a dit, c'est une sorte d'espadrille. Donc vous pouvez en trouver dans toutes les grandes enseignes qu'on connaît, sur des sites internet. Alors c'est pas donné, hein, par contre. Hein, c'est entre 60 et 80, je crois. Hein, c'est ce qu'il disait, 40 et 90 oui, euros. Alors après, voilà, si vous prenez des marques, évidemment, la marque Riviera, ça sera plus cher. Maintenant, vous pouvez en trouver d'autres qui ont un budget tout à fait abordable, effectivement. Alors, elles ont souvent une petite couleur, une bicouleur, hein, c'est souvent les plus classiques, celles qu'on voit. Mais maintenant, ils en font toutes les sortes, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est plutôt sympa, ça fait un petit pied, moi, je trouve. Ouais, je trouve que ça change aussi, ça change de tennis et puis de tout ce qu'on voit. Quoi. Moi, j'aime bien. Alors, il vous faut écouter un coup d'œil dans le rétro, obligatoirement, de toute façon, juin-juillet, pour savoir la mode de l'été, parce qu'on est là pour ça. Et donc, c'est un incontournable de cet été. N'hésitez pas à en profiter déjà au mois de juin, parce qu'au mois de juillet, on n'est pas sûr du temps qu'il va faire. Mais déjà, au moins cette semaine. Et bien profiter de cela pour mettre vos Riviera et peut-être même venir et bien dimanche hein, à la fête de la musique sur le parvis de la MJC Pichon, fête de la musique et les 30 ans. Donc n'hésitez pas à aller voir l'événement Facebook et donc là toute une série de concerts tout l'après-midi et le soir aussi. Et donc venez avec vos Riviera. Allez, on fait une petite pause musicale. Il est 17h15, on est tout pile. Et bien à la moitié de l'émission pour s'écouter Celebration. Cool and the Gang, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. Celebration. Celebrate good times, come on. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. The Gang Celebration sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ça donne pas envie de danser, moi j'y comprends plus rien, hein. C'est pour ça que c'est indémodable le disco, ça c'est un titre de 1980. Alors on poursuit un coup d'œil dans le rétro, chaque mois donc on balaye aussi donc la décoration, et là en l'occurrence, eh bien on va parler un petit peu d'extérieur, parce que c'est la thématique, c'est l'été, et l'extérieur on meuble sa terrasse, son balcon, avec comme qui dirait ce qu'on appelle le tabouret, mais le tabouret particulier, le tabouret tam-tam. Oui, alors qu'est-ce que le tabouret tam-tam ? Le tabouret tam-tam, c'est un tabouret où on fait de la musique ? On peut dire ça, on peut plus dire c'est une forme de tam-tam. Non, mais si vous voyez très bien ce dont on veut parler, le fameux tabouret tam-tam, donc qui est en matière plastique. Vous voyez ce que je veux dire, le tabouret. Ah bah bien sûr, oui, là je vois tout de suite. Voilà, donc on les retrouve dans les campings, enfin, oui. Avant, à l'époque, hein, dans les années 70. C'est vrai. Non, donc alors le tabouret tam-tam, donc il faut savoir qu'il a été créé donc en 1978 par un Français encore. Hein, comme ah, c'est un Français, d'accord. Voilà, donc les Français ont fait des belles choses. Henri Massonnet. Donc on l'appelle tam-tam, effectivement, car il se présente sous la forme d'un tam-tam avec trois parties, donc avec deux cônes en fait creux qui sont identiques, qui s'emboîtent l'un dans l'autre, et un couvercle très légèrement convexe qui sert d'assise. Alors il faut savoir que donc ce fameux tabouret donc a été fabriqué par la société Stamp, fondée donc en 1948, donc je le disais tout à l'heure, par Henri Massonnet dans l'Ain, et il a été vendu à l'époque de sa création au prix de 10 francs. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Assez hein. Hallucinant, parce oui. que quand on voit les prix d'aujourd'hui. Complètement. De toute façon, tout ce qui est vintage et donc qui coûtait très peu cher à l'époque parce que c'était populaire. Exactement. Aujourd'hui, laisse tomber, et c'est pas le cas de celui que j'ai acheté. C'est vrai. Donc à l'époque, effectivement, il a eu donc un grand succès. Il a été commercialisé à plus de 12 millions d'exemplaires. Donc c'était vraiment un gros succès. Il a aussi connu un succès aussi grâce à Brigitte Bardot, en fait, qui a été prise en photo notamment dans le magazine Ici Paris, et qui donc a servi donc à populariser ce fameux tabouret. Qui au départ était pour les destiné aux pêcheurs, en fait. Complètement, complètement. Donc après, c'est vrai que ça envahit les maisons, ça fait des couvertures de mode. Il faut savoir aussi que le tabouret donc tam-tam a été exposé quand même au musée de l'art moderne à New York. Donc on peut dire quand même que ça fait partie en fait des vraies créations et des vrais succès dans le monde de l'ameublement, et notamment de l'ameublement français. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des fidèles, notamment au modèle original, pour leur forme, c'est ça ? Oui. Les tam-tam nouvelle génération, on peut les appeler ainsi, avec divers coloris, et adoptent différents looks pour s'accorder à notre style de décoration. Transparent, fluo, motif, chromé, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui effectivement on trouve un peu, bah, notamment des couleurs aussi flashy parce qu'on est quand même dans les années 70. Aujourd'hui donc c'est vrai que c'est un, le tabouret tam-tam est un peu synonyme de design à petit prix et bah, il fait partie effectivement des objets cultes incontournables et indémodables. Il est à la fois ergonomique, empilable, démontable et économique. Donc moi je dis que soit dans une cuisine, soit dans un salon ou tout simplement sur une terrasse. Oui c'est ça, parce que c'est plastique donc du coup ça ne risque rien. Ça risque rien et ça égaye un peu notre intérieur avec toutes ces couleurs qui sont flashy. Donc moi j'aime bien. Oui. Et ben moi aussi je valide. Et d'ailleurs on mettra des photos, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission un coup d'œil dans le rétro. 94.2 c'est le nom précis. Et donc on mettra des photos de tabourets tam-tam entre autres, mais aussi des Riviera et peut-être même des extraits de musique pour passer ce début d'été en beauté. Et on va continuer d'ailleurs avec une pause musicale et on continue dans le disco. Et non, on ne peut pas passer outre Earth, Wind and Fire, c'est compliqué comme titre. Let's Groove. Vous connaissez tous cela, moi j'ai dansé dans les campings là-dessus. Mais on peut danser aussi dans les discothèques. Allez, on se retrouve juste après ça, il est 17h23. Swing and Fire, let's groove sur Fadjet. Fadjet. À Nancy. Sur 94.2. Allez, il est 17h25, on est encore ensemble pour 5 petites minutes. Oui, notre émission est très courte, on verra. D'ailleurs, on reverra peut-être le programme pour l'année prochaine. Peut-être qu'on va avoir plus d'invités, du coup, on rallongera le format à 1h. Et donc, comme chaque mois, on vous propose aussi les sorties. En ce mois de juin, il y a pas mal de choses à faire pour profiter de ce pré-été, de cette fin de printemps. Et notamment, Naïk, tu vas nous dire. Alors, quelle est la première sortie à commencer par ce week-end? Ce week-end et notamment ce soir, je vous propose donc d'aller à Villers-Saint-Etienne pour une soirée déguisée sur le thème de Gatsby pour revivre la prohibition des années 20. En effet, à partir de 19h30, donc vous pouvez trouver donc une petite restauration possible sur place. L'entrée est libre, mais c'est vrai que la réservation des tables est fortement conseillée, notamment au 06 82 88 43 57 ou sur le site loca-salle.com. Donc ça, c'est pour ce soir. Demain samedi, un concert électro swing avec Mitch Tornade qui a été reçu dans une des matinales. Il est connu sur Nancy au jardin de l'hôtel du département de classe à Metz. À 21h, l'entrée est gratuite. Samedi et dimanche. Alors oui, samedi et dimanche, vous pouvez aussi retrouver donc pour un concert années 50-60 le rock band donc Les Prétoriens qu'on a reçu aussi également le mois dernier. Le mois d'avant encore. Dans notre émission, voilà, donc à la salle des fêtes donc de Gondreville à 20h30 donc pour le samedi et le dimanche aussi place de la Mairie à Charmes à partir de 15h. Rien à voir avec remarque il y a peut-être des groupes un petit peu rétro, mais ce week-end, précisément ce dimanche 21 juin, venez fêter la musique, je le disais tout à l'heure avec Fat Jet et aussi fêter les 30 ans de la station et retrouvez-nous donc la place de la MJC sur la place sur le parvis de la MJC Pichon tout l'après-midi et jusqu'au soir 23h, des groupes, des animations, pas mal de choses pour s'amuser et donc j'aurai l'honneur de faire l'animation de cet après-midi. Et le week-end prochain, donc samedi 27 juin. Alors samedi 27 juin, donc au kiosque du parc Sainte-Marie, donc de 18h30 à 22h, il y aura un grand bal populaire en fait années 50 avec un groupe de reprises donc d'Elvis. Puis ensuite on passera un petit peu plus dans les années 20, toujours avec Mitch Tornad. Il est partout celui-ci. En ce moment il est partout, mais c'est bien parce qu'on l'aime bien. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook Cab Nomade. Et le lendemain donc de ce bal populaire, le dimanche 28, il y aura la fameuse brocante donc du parc Sainte-Marie. Donc je vous invite à aller. Ça fait deux ans qu'on la rate, il faut y aller. Faire un petit tour et dégoter peut-être un tabouret tam-tam. Un tabouret tam-tam, des Riviera déjà utilisées, des raquettes de tennis rétro, enfin plein de choses. En plus, le parc Sainte-Marie est plutôt sympathique et on espère qu'il ne pleuvra pas. Oui. Mais en le disant déjà, on n'y croit pas. Alors samedi 27 juin à Raucourt à partir de 18h30, il y aura le Festimad où vous pourrez retrouver une fois encore le groupe de rock Les Prétoriens, un groupe sympathique au programme Feu d'artifice, buvette et restauration, entrée gratuite. Mais c'est vrai que c'est bientôt le moment des Feux de la Saint-Jean aussi, ici bien connu dans l'Est. Et notamment le dimanche 28 juin, il y a un rassemblement de voitures anciennes et sportives de 10h à 13h au château de Lunéville. Et voilà pour les sorties. Ça fait un beau programme. Puis il y en aura d'autres des sorties, on vous remettra aussi sur notre page Facebook. N'hésitez pas aussi, toujours les classiques, les puces aussi en vieille ville. Oui. Vous pouvez en profiter, donc c'est une ou deux fois par mois, je crois que c'est deux fois par mois. Oui, je crois. Ouais. Pareil, c'est toujours intéressant, on peut dénicher des tas de petites choses. En ce qui nous concerne, c'est quand la prochaine émission? Alors normalement, donc on se retrouve, je crois, le 17 juillet, avant les vacances en fait. Après août, de toute façon, en août, la radio termine. Donc dernier rendez-vous, 17 juillet, on va s'efforcer bien sûr d'avoir un invité. Oui. Parce que c'est la dernière de la saison. Et j'étais content encore de participer à cette émission avec toi. Merci François, moi aussi, ça m'a bien fait plaisir. Profitez du rétro, profitez du soleil, sortez, dansez, amusez-vous, nous c'est ce qu'on va faire. Et donc rendez-vous le mois prochain, les programmes continuent sur l'antenne de Fat Jet et on vous dit à bientôt. Bisous. Ciao.